Chapitre 5. Oh mon Dieu ! S'écriaient les trembleurs. La plaine de Gennevilliers transformée en marais va devenir inhabitable. La fièvre paludéenne y fait déjà des ravages. Elle se répandra dans les contrées environnantes. C'est la fin de ce pays. La fièvre paludéenne ! À ce mot tiré du latin, on grelottait déjà de peur. La vérité est que les indigènes des parties irriguées se portent comme des charmes. Qu'on n'a jamais soupçonné dans toute cette partie de la presqu'île l'ombre d'une maladie épidémique ni endémique, que ce sont des contes à dormir debout, et qu'avant de crier « à la fièvre » comme on crie « au loup », il faudrait au moins avoir vu la queue d'un loup. L'établissement du barrage de Beson avait un instant relevé le niveau de la nappe souterraine, ce qui devait contrarier l'écoulement des eaux d'égout. On a, depuis, par des travaux de drainage, remédier à cet inconvénient qui a été passager. Tout est rentré dans l'ordre, et c'est le cas d'user ici de la locution familière aux gens de la campagne. À cette heure, le pays est sain comme l'œil. Cela est possible pour le moment, répliquent les alarmistes. Mais les matières putrides déposées à la surface des champs irrigués s'accumuleront d'année en année et finiront par former à la surface des champs une couche imperméable de détritus organiques, un foyer d'émanation insalubre. Quel drôle de raisonnement ! Les hommes qui présentent cette objection sont les mêmes qui, chaque année, répandent ou voient répandre sur les champs du fumier ou de la gadoue et qui n'en prennent aucun ombrage. Ils savent bien que ces détritus ne forment pas une couche qui va croissant d'année en année, qu'ils sont absorbés dans la terre et qu'ils y disparaissent. Eh bien, les matières organiques contenues dans les égouts ont le même sort. Les prés de Lausanne, d'Édimbourg, de Millau et de Novare, après des irrigations séculaires à l'eau d'égout, ne diffèrent point, quant à la nature et à la salubrité de la couche superficielle, des terres végétales des prés irrigués avec l'eau ordinaire. Ils ne sont devenus ni des marais, ni des dépotoirs. Pourquoi en serait-il autrement de la presqu'île de Gennevilliers ? « Oui, mais, reprennent nos contradicteurs, votre filtre finira par s'encrasser. Il ne conservera pas longtemps ce pouvoir épurateur dont vous faites tant de bruit. Vous continuerez d'y verser votre eau sale, elle ne passera plus. Et c'est pour le coup que nous jouirons en plein des bienfaits de votre dépotoir. » Les ingénieurs ont répondu d'une façon bien spirituelle. Monsieur Schlesing, un des plus éminents chimistes de ce temps, a très proprement découpé dans la presqu'île de Gennevilliers deux tranches de terreau. L'une dans le jardin de la ville, qui était irriguée depuis 7 ans, l'autre dans un champ voisin qui n'avait jamais reçu d'eau d'égout. Dans chacune de ces tranches, on a pris des échantillons du sol, d'abord à la surface, puis de 50 en 50 cm en descendant. On n'a observé aucune différence apparente, si ce n'est dans l'état d'humidité, entre ces deux tranches. Ce résultat était du reste prévu. Il n'y a pas d'exemple d'une terre arable perméable qui ait été rendue imperméable par une copieuse fumure. C'est ainsi qu'ont été réfutées, l'une après l'autre, et non point par des déductions théoriques, toujours sujettes à caution, mais par les faits mêmes, par la pratique quotidienne, toutes les objections des adversaires du système. Monsieur Duranclé a pu écrire dans son rapport « Après un examen approfondi des diverses questions que soulève l'épuration des eaux d'égout, la commission supérieure a été d'avis, à l'unanimité, que l'emploi des eaux d'égout pour l'arrosage des terres constituait, parmi les procédés consacrés par l'usage, celui qui a donné les meilleurs résultats pour l'épuration de ces eaux et pour l'utilisation des matières fertilisantes qu'elles contiennent. La ville de Paris pouvait dès lors considérer l'expérience de Gennevilliers comme absolument concluante. Il ne lui restait plus qu'à marcher de l'avant. La presqu'île de Gennevilliers ne pouvait épurer qu'une assez faible partie des eaux sales versées quotidiennement par les collecteurs de la grande ville. Il fallait chercher un terrain plus vaste où l'on pût répandre le reste, afin de ne renvoyer à la Seine qu'une eau parfaitement filtrée. Reportez-vous, je vous prie, à la carte des environs de Paris. Vous pouvez voir que la Seine, après s'être pliée autour de la presqu'île de Gennevilliers, redescend au sud-ouest vers Chatou, Bougival, Marly. Puis après avoir contourné Crossy et Le Pec, remonte vers le nord-est, longe toute la forêt de Saint-Germain et forme enfin, par un long repli entre Sartrouville, Andrézy et Achères, une nouvelle presqu'île, beaucoup plus large que celle de Gennevilliers, mais qui est toute semblable si l'on ne considère que la nature du terrain. Là aussi, ce sont des relais de sable et de cailloux qu'a abandonné la Seine quand elle a, au temps préhistorique, resserré son cours. Ces immenses espaces de terrain sont restés plus stériles encore que ceux de Gennevilliers, car on n'est point sollicité par la proximité de Paris à en tirer un produit quelconque, ni même à y bâtir de campagne. Ce terrain stérile et nu va rejoindre la forêt de Saint-Germain, qui occupe la plus grande partie de la presqu'île. Les ingénieurs de la ville de Paris se sont dit « Voilà des centaines d'hectares dont on ne fait rien, dont on ne peut rien faire. Ils sont perdus pour l'agriculture, le bois même n'y peut croître, car la forêt de Saint-Germain s'en vient mourir là, à cette lisière indéterminée de sable, où elle pousse péniblement de rares et maigres taillis. Eh bien, nous n'avons qu'à percer en ligne droite de Clichy-la-Garenne, où se trouve notre usine élévatoire, jusqu'à cette plaine désolée. La distance n'est pas longue. » Elle paraît considérable aux Parisiens parce qu'ils ne connaissent les environs de Paris que par les bateaux qui suivent les courbes immenses de la Seine ou par les chemins de fer qui ont eux-mêmes leurs plis et leurs replis. Ce sera un égout de 3 ou 4 lieues à construire. Nous y verserons tout ce que n'emploie pas la presqu'île de Gennevilliers, nous l'expédierons là-bas et 2 ou 3 ans nous suffiront pour transformer ce désert de cailloux en riches prairies et en jardins fruitiers. Les ingénieurs croyaient, en élaborant ce projet, que l'éducation du public était faite, que 16 ans d'expérience heureusement poursuivie à Gennevilliers avaient eu raison du préjugé. Ils ne tardèrent pas à voir qu'ils s'étaient trompés dans leurs calculs. Au premier mot du projet divulgué, ce fut un soulèvement général.